merci à Rodeau de l'Ophophora qui est venu chanter avec moi. Non, je déconne. Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est moi, Renaud. Non, non, mais Renaud, de l'Ophophora, pas toi, Renaud. T'attends. Allez, trace. T'attends, sympa. Même s'ils sont potentiellement des fils de mille serpents. Ras-le-bol de la méchanceté ambiante de cette société nerdique peuplée par des producteurs de viande. Ras-le-bol des médias qui entretiennent chaque jour la suspicion, la peur de l'autre. L'obsolescence de la monnaie. Non, non, non, non. Ah, tu dégages. Attends, putain. Attends, dégage. Aïe, aïe.